Alors, pendant que le conférencier prépare son ordinateur, nous représentons Renaissance de l'abbaye de Clairvaux, qui est une association qui assure la gestion de l'abbaye de Clairvaux. J'ai été annoncé, Gérard Bereux, comme conférencier, mais on a trouvé un petit peu mieux dans la personne de Paul Benoît, qui est un ami de Clairvaux depuis bien longtemps et qui est professeur honoraire de Paris 1. Avant de lui donner la parole, je voudrais, de la part d'une personne qui n'a pas pu être présente, Michel Latour, qui dirige l'association des Amis de Morimont. Alors, pour les connaisseurs de l'ordre cistercien, Clairvaux est la troisième fille de Cîteaux et Morimont la quatrième. Clairvaux a fêté ses 900 ans il y a 2 ans. Et cette année, Morimont fête son 9e centenaire avec de nombreuses manifestations, dont vous trouverez la liste sur le site. Michel Latour m'a demandé d'attirer particulièrement votre attention sur les journées des 19 et 20 août pour la Saint-Bernard, le 20 août, avec de nombreuses animations festives, et aussi, surtout même, le colloque des 29, 30 et 31 août à Chaumont et Langres. Donc, il m'a dit que l'association vous attendait très nombreux à ces manifestations. Et je donne la parole donc à Paul Benoît, les cisterciens et l'eau. Merci. Merci Gérard. Où est le pointeur? Je cherche le pointeur. Donc le thème initial prévu, c'était les cisterciens et l'eau, mais les organisateurs ont été d'accord avec le président de l'association et son secrétaire de Clairvaux pour transformer ça en eau à Clairvaux. Pourquoi ? Parce que Clairvaux est quand même la plus grande, la plus grosse, la plus importante des abbayes cisterciennes au monde. Et le cas de Clairvaux est plus intéressant pour nous parce que les travaux actuels, récents, permettent d'aller au-delà de ce qu'on peut dire sur les cisterciens et l'eau, thème qui a été quand même, en particulier par ma faute, rabâché de nombreuses fois. Donc, on va voir un petit peu ce qu'est cette grande abbaye. D'abord, où elle est située. On est donc ici, enfin, on se trouve au confluent de l'Aube et de l'Ourgeon, que vous ne voyez pas, mais enfin c'est pas grave. On se trouve donc, voilà, on est là. Donc on voit ça un petit peu mieux ici. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, l'abbaye de Clairvaux, je l'ai marqué ici d'une croix, à côté Bar-sur-Aube, là, trois. C'est-à-dire que nous sommes en pleine Champagne, dans le pays, dans cette région, qui à ce moment-là connaît, est un centre européen essentiel. C'est là que se trouvent les fameuses foires de Champagne. Donc, si je... une carte qui nous rapproche, Clairvaux est là, entouré d'un cercle rouge, et on voit des rivières, enfin les rivières, il y a une rivière qui l'arrose, là l'Aube, et ici l'Auge. C'est un peu en amont de cette confluence que se trouve l'abbaye de Clairvaux. Vous avez là, ce marqué par ces petits points, l'Aube qui est là. Et là, un ruisseau, qui est le ruisseau Bernard maintenant, qui amène l'eau vers l'abbaye. Voilà un peu le système. Voici une vue maintenant de l'abbaye en 1708, avant une série de grands travaux du XVIIIe siècle. C'est la vue la plus ancienne que l'on ait, et qui nous montre l'abbaye. Ici, on est donc on est vers l'ouest, là. Et là, on a l'eau qui est là. Le rue, il se promène par ici. Il est là, et il rentre pas dans l'abbaye. On va voir ça un petit peu mieux. Voici ce qui reste que du rue sur lequel les moines s'étaient installés. Il n'y a plus d'eau dedans. Pas besoin de vous le dire, vous le voyez. Et on la récupère un peu plus loin. Et ça, ce sont les travaux qui ont été faits cette année, enfin l'an dernier, à l'occasion des aménagements qui ont été faits pour les festivités du 9e centenaire. Donc une fouille a eu lieu et on découvre une arrivée souterraine, là, qui était canalisée auparavant et qui pénètre dans l'abbaye. L'abbaye étant une prison, vous le savez tous, une prison particulièrement bien surveillée. Ces photos que je vous montre, c'est vraiment un scoop. Elles datent d'avant 1950. Et elles sont le fait d'un médecin de l'abbaye qui a pu pénétrer dedans. Maintenant, c'est strictement impossible d'y rentrer. J'espère qu'on pourra faire la topographie complète lorsque la prison aura été démolie. C'est en projet. C'est en projet, mais il faut que le projet se réalise. On a nommé du personnel pour s'en occuper, mais il faut encore que la démolition ait lieu et qu'il y ait de l'argent pour construire une autre prison. Alors l'eau, on la trouve qui circule dans l'abbaye. Voilà, qui circule dans l'abbaye actuelle. On est en dehors du site de la prison. Ce sont des lieux qui appartiennent maintenant au ministère de la Culture. Et voici alors une image, ici, qui est extrêmement intéressante, parce que cette eau souterraine, elle irriguait tout le sous-sol de l'abbaye. Il ne reste plus rien de visible, sauf ce qu'on a là, qui est quelque chose de particulier, c'est un escalier qui est au bout du dortoir des convers. Et cet escalier en bois est dans un local qui était autrefois le local des latrines des convers. C'est-à-dire qu'ils étaient dans leur dortoir qui était là, et la nuit, ils avaient leur latrine qui était ici. Alors, ces latrines des convers, elles fonctionnaient exactement comme ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Là, c'était la même chose que les latrines des bains de Brisbruck. C'est la même chose, ça. Il y a eu un grand progrès avant l'invention de la chasse d'eau. Bon, donc, l'eau, elle passe dans l'abbaye. C'est une reconstitution que nous avons pu faire à partir d'un plan du plan de Dombillet, retravaillé par un archéologue historien, enfin surtout un artiste, par Bigul, en 1912. Et on voit qu'ici, on a là le dortoir des convers et le passage de l'eau qui est là. C'est donc tout à fait logique. C'est ce qui se trouve dans très nombreuses abbayes cisterciennes. Donc voilà, dortoir des convers, la latrine des convers. Alors maintenant, voici le plan de l'abbaye en 1708, agrandi, que nous avons colorié pour montrer le passage de l'eau. On voit que l'abbaye se trouve à proximité de l'aube, à proximité des temps qui sont là, dont on parlera plus longuement, et le rue Saint-Bernard, il est là. Il longe l'abbaye. Mais il y avait des entrées d'eau qui se faisaient un peu partout, qui amenaient l'eau un petit peu partout dans l'abbaye, mais tout ça, ça a été recouvert au cours des siècles, à partir du XIIe siècle. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette abbaye a vis-à-vis de l'eau une histoire. Une histoire, puisque quand l'abbaye a été fondée, 1115, l'abbaye se trouvait sur la ligne qui est marquée là. Et qu'ensuite, le lieu étant trop petit, trop étroit, eh bien, les moines ont décidé, ils ont eu du mal à décider, Saint-Bernard d'ailleurs, à déplacer leur abbaye vers une zone qui était plus large. On voit assez mal ici la courbe de niveau, mais enfin, on voit qu'on est quand même dans une zone plus large, de l'amener vers l'aube. Mais à ce moment-là, il a fallu un système hydraulique plus important. Ce déplacement était dû à plusieurs choses, c'était trop petit, c'était mal fichu, mais aussi et surtout, c'était beaucoup trop petit pour le nombre de moines qui arrivaient. À partir de 1115, donc, Saint-Bernard est là, et son charisme est colossal. C'est l'homme le plus important de la chrétienté. Les moines et les convers arrivent en grand nombre, et l'abbaye est trop petite. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Eh bien, il a fallu aller chercher l'eau pour l'amener sur le site de l'abbaye. Il y avait un bief qui existait là, qui amenait à un moulin, le moulin de Ville-sous-la-Ferté, et un bief a été construit pour amener l'eau jusqu'à l'abbaye. Il fait tous ses détours parce qu'il suit à peu près les courbes de niveau, pour avoir une pente qui ne soit pas trop forte, et amener quand même suffisamment d'eau à l'abbaye. Voilà. Alors c'est ce travail qui a été fait. Il a été fait. Il est en gros terminé en 1135. On le sait d'après la vie de Saint Bernard d'Arnaud de Bonnevin, qui a écrit la vie de Saint Bernard, qui était un ouvrage, cette Vita Prima, a été rédigé pour préparer la béatification de Saint Bernard hein, par Arnaud de Bonnevin, et il raconte un peu ce qui s'est passé et comment des travaux ont été faits. Et ce qui est intéressant pour nous, hein, historiens à la fois de l'eau, mais aussi de l'Église, c'est que les cisterciens ont utilisé des ouvriers pour faire ce travail. On raconte toujours que les cisterciens ont tout fait de leurs propres mains. C'est pas vrai, le travail était beaucoup trop colossal. Et puis ces cisterciens, c'était tous des membres de l'aristocratie. Ils n'étaient pas tellement habitués à manier la pelle et la pioche. On a là donc des ouvriers qui ont travaillé, les moines aussi, hein, sans aucun retard, et tous les religieux se mirent à l'œuvre partout. Voilà. Il y a donc un travail qui est fait et qui amène donc l'eau à partir de Ville-sur-la-Ferté où il y avait ce moulin. Et là, il y avait l'eau qui passait sous la route, tous les roues du moulin ici. Il y avait ici un vannage qui amenait le surplus, qui rejetait le surplus vers l'aube. Voilà ce que donne la prise d'eau qui se situe en amont. On a là le cours de l'aube, qui est là, on ne le voit pas. Et là, le cours de l'aube qui est là, pardon, excusez-moi. Et là, la prise d'eau et le canal qui est ici, caché derrière les arbres, qui va amener l'eau à la baie. Il y a donc un énorme travail, une énorme infrastructure qui est mise en place. Je vous passe les images. Voilà. Alors, cette eau, sinon, on va essayer de voir maintenant à quoi servait l'eau pour ces braves moines. L'eau, elle a d'abord un rôle d'irrigation. D'abord, bon, ça va amener l'eau pour l'abbaye, pour l'hygiène, pour la boisson, mais ce n'est pas l'eau de la rivière qui buvait. On ne connaît pas le système de distribution de l'eau à partir des sources. Hein. Là encore, on a une question qui a été posée tout à l'heure. Où est la source? Ben là, on ne sait pas. Hein. Ça ne manquait pas dans le coin. Et un système de canalisation qu'on ne voit pas. Là, l'eau, elle sert ensuite, évidemment, à développer l'agriculture. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le premier usage qu'on saisit, c'est dès le départ, ou presque. Hein. Ça, c'est le nombre de citations de prés, de prairies, et de prairies qui sont, pour la plupart d'entre elles, situées au bord de l'eau. Les textes ne nous disent pas, les textes sont des chartes qui nous disent que c'est près du moulin de. Hein. Donc ça veut dire que c'est au bord de l'eau. Ça veut dire qu'on a un système d'irrigation qui est un peu particulier. C'est une irrigation de prairies, c'est-à-dire une irrigation qui est faite pour amener de l'eau sur les prairies. On n'est pas du tout dans le système auquel on pense d'habitude pour l'irrigation. Le modèle qu'on a dans la tête, il est comme ça, c'est le modèle méditerranéen. C'est-à-dire qu'on arrose l'été pour que les tomates et les concombres hein, aient de quoi grossir. Là, ce n'est pas le cas. On ne s'occupe pas de l'été. C'est une irrigation d'hiver. Hein, et en hiver, on inonde les prés pour deux raisons. Un, ça protège du trop grand froid. Si ça gèle, ça ne dépassera pas zéro. Hein, et d'autre part, hein, ça amène aussi un certain nombre de nutriments nécessaires au développement de la prairie. Donc, il y a là un système dont on voit ici les résidus. On n'est pas dans la ville de Clairvaux, mais on est en amont. C'est à l'abbaye d'Aubrive. On a là, le long d'un, à peu près à l'endroit où est passé le tracteur, régulièrement espacées ces pierres dans lesquelles vous voyez ici des encoches qui servaient à mettre des planchettes pour mettre en place cette irrigation. Alors, ce système-là, ce que vous avez là, ce n'est pas médiéval. C'est un système qui a fonctionné au Moyen Âge, ce type de système. Là, c'est indatable. Un système qui a fonctionné il y a peu de temps. Et puisqu'on parle de patrimoine, c'est un patrimoine qui est terriblement menacé. Si on n'était pas intervenu, le paysan voulait faire sauter ces pierres qui le gênaient. Mais on lui a parlé, il trouve que c'est très bien d'avoir ça dans son champ. Voilà, donc irrigation. Irrigation, là voilà une carte qui vous montre ces systèmes d'irrigation. Je n'ai pas le temps de développer. Bon, le canal principal, c'est ce qu'on appelle portant. Il y a des petites ramifications qu'on appelle des sangsues, c'est joli comme nom, hein, et des fossés qui sont des dérivations d'un niveau moyen, hein, que l'on voit ici, ce sont ces points-là. Donc, tout un système qui s'est mis en place comme ça, qui a fonctionné au moins à l'époque moderne, et je suis sûr à l'époque médiévale. On a très peu de sources. Ben, voilà la mise en place du système. Alors, ça c'est un premier point, ça a permis de développer donc un élevage. L'élevage est fondamental dans l'histoire de l'abbaye de Clairvaux. C'est une des ressources importantes qu'ont eu les moines. Ils ont élevé des bovins, beaucoup de bovins. Ils ont élevé aussi des chevaux. Et ça a fait l'objet d'un commerce dont, malheureusement, on ne connaît pas le détail. Probablement des moutons aussi, mais pas au bord de l'eau. Alors, à part ça, eh bien, l'eau a servi à faire tourner des moulins. Voici les moulins de Clairvaux au XIIIe siècle. Je les ai mis sur la carte. Tous ceux qui sont perceptibles encore actuellement, d'après les textes, il y a des textes qui sont trop flous pour qu'on puisse cartographier l'ensemble. Ce qui est deux choses à noter. Ils sont nombreux, comme vous le voyez, à proximité de Clairvaux. L'aube était déjà très, très occupée quand les moines sont arrivés, et ces moulins ne sont pas des créations monastiques. Les moines n'ont peu, tout au moins sur le Clairvaux, n'ont pas beaucoup créé de moulins. Ils ont racheté ou se sont fait donner des moulins. Alors, on voit qu'ils ont réussi à mettre la main sur à peu près tous les moulins. Ils sont à proximité immédiate de l'abbaye. Ils sont chez eux, là. Alors, je dis chez eux, mais pas totalement. Parce que beaucoup de une grande partie de ce patrimoine n'était possédé que partiellement par les moines. Ces moulins étaient souvent divisés entre plusieurs propriétaires. Et on voit, par exemple, pour se rendre maître du moulin de Ville-sous-la-Ferté, qu'on a vu tout à l'heure, qui se trouve ici, hein, les moines s'y sont pris, ça a duré au moins 20 ou 30 ans. Ils ont acheté, morceau par morceau, ou se sont fait donner, morceau par morceau, l'ensemble du moulin, comme c'est tout près de chez eux, ils voulaient en être les maîtres absolus. En revanche, ailleurs, ils se sont contentés souvent d'une part de moulin, ou d'autre part d'une rente sur le moulin. La rente a eu un gros avantage, c'est que comme on n'est pas le propriétaire, on n'est pas chargé de l'entretien. Par contre, le propriétaire a le devoir de vous payer. Donc c'est un excellent placement. Certains monastères s'en sont contentés. Si on prend l'abbaye d'Aubrive, qui est située en amont, à une trentaine de kilomètres, l'abbaye d'Aubrive n'a possédé qu'un seul moulin. Tout le reste, c'était des rentes sur les moulins. Les moines avaient le sens des affaires. Alors, qu'est-ce qui reste de ces moulins? Souvent pas grand-chose. Ce moulin de Juvencourt, qui est au sud, là encore, tout près de Ville-sous-la-Ferté, il reste à peu près rien, sauf l'emplacement des biefs. Je pense que celui-là, c'était le bief sur lequel il y avait les roues, mais je n'en suis même pas sûr. Voilà, donc il ne reste pas grand-chose, mais il y a quand même un patrimoine à protéger, et il est protégé parce que les propriétaires ont mis des petites fleurs, c'est une manière de protéger le site. Voici un autre moulin qui est d'origine médiévale, c'est le moulin de la Borde, il était transformé maintenant en micro-centrale. C'est pour ça que vous voyez le passe dessous, ça marche toujours, vous avez le barrage qui est ici. Voici donc un autre. Maintenant, le barrage de Gommeville, c'est un barrage qui est sur la Seine. Il est déjà plus important par ses dimensions. Là, vous voyez, la rivière est importante. Là, c'est le bief qui conduit au moulin. Et ce moulin, c'est un des moulins qui ont été acquis par les moines au début du XIIIe siècle. Alors, avant de passer à la pêche, je vais revenir en disant que ce qui est frappant dans l'histoire de Clairvaux, c'est que ce capital meunier que possédait Clairvaux s'est mis en place lentement par rapport à d'autres abbayes. Les moines ne sont vraiment intéressés et ont investi qu'à partir de l'extrême fin du XIIe siècle et au XIIIe siècle. Et il y a eu un gros boom sur la meunerie vers 1220. À ce moment-là, les moines ont acheté, parfois acheté en partie, se font donner. On leur donne un tiers de moulin, ils achètent le reste, mais les moines investissent beaucoup. J'ai essayé de faire une estimation financière, c'est pas possible. Parce qu'on ne donne qu'une partie, on ne sait pas. On n'achète qu'une partie, on ne sait pas si ça correspond à la réalité, ou ça masque une transaction, c'est très fort pour ça, une transaction plus complexe. Et d'autre part, parce que ces achats de moulins sont associés à des achats de terres ou de prairies, et que dans ces conditions-là, je ne peux pas décider, moi, qu'il y en a un quart pour le moulin, la moitié pour le moulin, trois quarts pour le moulin. En tout cas, ce dont je suis certain, c'est qu'il y a de grosses dépenses qui ont été faites dans les années 1220. C'est un moment où Clairvaux prend une importance économique, abandonne un peu les règles qui étaient celles de Saint-Bernard et des premiers moines cisterciens, pour se lancer dans une économie beaucoup plus ouverte vers les aspects financiers, en laissant un peu de côté la règle, la pauvreté, tout ce que vous voudrez, hein, ce qui a fait l'originalité de Clairvaux, et de l'ordre cistercien et de Clairvaux en particulier. Donc, un gros boom vers 1220, qu'on saisit aussi dans d'autres dimensions, c'est à ce moment-là que les moines se mettent aussi à investir dans de manière très, très forte dans la vigne, hein, qui est un produit évidemment qui est destiné à la vente, hein, parce que les moines buvaient bien, hein, mais vu tout ce qu'ils produisaient, ils auraient été sous du matin au soir. De même, ils ne pouvaient pas consommer toute la farine qu'ils produisaient. Alors, autre aspect de l'utilisation de l'eau, c'est la pêche. C'est la pêche, alors ce dessin est amusant, parce que ça nous montre un moine qui va à la pêche à la ligne, hein, et qui correspond sans doute à une réalité, on trouve ça dans une description de Clairvaux du XIIIe siècle, hein, qui est un texte très précieux, et qui nous dit que les moines sont en train de pêcher à la ligne. Mais ce n'est pas ça qui compte au point de vue économique. Sur cette carte, j'ai représenté, d'après le travail d'un de mes étudiants, les droits sur l'eau et le droit sur la pêche. Le droit sur l'eau, ça donne l'accès à la pêche. Et il y a des droits qui sont spécifiquement ceux de la pêche. Dans certains coins, c'était, on trouve en particulier ici, hein, cette zone où il y a eu des droits sur l'eau et des droits sur la pêche. Probablement que les droits étaient tombés en désuétude, probablement qu'il a fallu réaffirmer la puissance de l'abbaye. Ça ne veut pas dire que... Ou alors, c'était des droits sur une partie, parce que les droits qui nous sont donnés, hein, montrent qu'il y avait une présence, mais ça ne nous donne pas la longueur, exceptionnellement, la longueur de la rivière qui était soumise à ce droit. Parce que vous pouvez avoir le droit d'aller tremper votre canne à pêche, hein, dans 50 cm d'eau, ou avoir le droit à l'exclusivité de la pêche sur 3 km. Alors là, la pêche, les droits sur la pêche, ça peut être donc simplement le droit d'aller pêcher, mais ça peut être aussi le droit d'installer une pêcherie. Et ça ne nous le dit pas. Donc, on voit les moines qui ont cherché donc à mettre la main sur la plupart des cours d'eau, on a un pied dans chacun de ces cours d'eau, et contrôler de manière assez précise, hein, autour ici de la ville de Pilly, par exemple, autour de la grange de Pilly, toute une série là, d'établissements. Pêche en rivière, ok, mais aussi pêche en étang. Pêche en étang, et là, sur cette carte, je représente donc les principaux étangs qui possédaient Clairvaux au XIIIe siècle, hein, c'est-à-dire les étangs qui sont près de l'abbaye sur lesquels on va revenir, et là, l'étang de Saucy et l'étang de Vigny, ici. Il y a de beaux restes, là. Il y a un patrimoine intéressant. Voici ici, donc, les étangs de l'abbaye, c'est l'étang qui est à l'arrivée du bief qu'on a vu tout à l'heure, qui porte au l'abbaye, après c'est caché, là, on ne voit pas comment elle rentre, et là vous avez un étang. Cet étang avec un déversoir qui amène l'eau, il y a le surplus d'eau vers l'eau. Voici ces deux... Voici les étangs au confluent de l'Aube et de l'Aujon. Deux étangs, avec ici en 75 la maison du pêcheur. La maison du pêcheur, ça nous montre qu'il y avait une activité de pêche, on est au 18e là. Hein. Et ce pêcheur, ça peut être un employé de l'abbaye, ou ça peut être un homme qui a pris à ferme, qui a affermé l'utilisation des étangs. Je ne le sais pas pour le 18e. Voici maintenant l'abbaye avec l'étang qui est à l'entrée de l'abbaye. Hein. On n'est pas dans la même orientation. Là, l'aube couche nord-sud comme ça, et là on a donc cet étang, et vous voyez le tout petit bonhomme qui est là, on va agrandir, on va mieux ce qui se passe, hein. Lui est au bord, il tient le bout d'un filet, là il y a un petit bateau avec l'autre bout du filet, le filet fait un arc, il va ramener son filet à terre, cette forme de filet c'est une senne, hein, SE2NE, et on va ramasser tout ce qu'on peut de poissons comme ça. Là c'est un type de pêche en étang, il y a un autre type de pêche en étang, je ne vous le montrerai pas parce que j'ai aucun document sur Clairvaux, c'est la pêche en vidant l'étang mais cette étendard n'était jamais vidé parce qu'il contrôle l'arrivée de l'eau dans la ville. Voici l'étang de Saucy. Alors, où il est, hein, on voit très bien qu'il reste dans la toponymie. Et maintenant, le paysage montre très bien la digue ici, donc sur la photo aérienne. Voilà, l'étang de Ligny, c'est l'étang du Papy. Il est indiqué sur la carte, on le voit ici, hein, avec 500 mètres d'échelle. Et là, ce qu'il en reste simplement, il en reste encore un bon morceau, et il y a encore plein de poissons, paraît-il. Alors, ça, on peut penser, mais là, on n'a pas de source pour l'instant, il y a du travail encore à faire, que les moines pratiquaient, comme les moines de Cîteaux, et là, on a des donations, on a des sources, dans les étangs de Cîteaux, on voit très bien comme ils travaillaient, hein, ils avaient des étangs dans lesquels ils mettaient des poissons et ils élevaient leurs poissons dans un premier temps. On les voit donc à Bretigny, les deux étangs de Bretigny, les trois étangs de Bretigny, qui vont fournir l'un 11 000 carpes, l'autre 3 600 carpes, le deuxième 225 carpes, et autant de brèmes, des brèmes et des brochets. Et tout ça ensuite s'est amené dans le grand étang. C'est l'étang qui est juste à côté de la baie de Cîteaux. On voit très bien la digue, on passe dessus en voiture. Tout ça, ça montre évidemment une activité extrêmement intense. Hein. Et quand on voit les capacités qu'avec Lervaux, avec ses étangs, et en particulier ceux qui sont groupés autour de l'abbaye, on a un système qui devait fonctionner de la même manière, ça fait évidemment des rentrées d'argent importantes. Des rentrées d'argent importantes parce que même si vous avez beaucoup de moines, hein, 11 000 carpes, même si vous divisez ça par 200 ou 300 moines, ça ferait quand même un peu beaucoup par jour. Voilà. Donc il y a là... une activité extrêmement importante qu'on peut saisir en grande partie en regardant le paysage et en s'occupant des cartes. Et plus que des textes qui sont... Voilà. Alors, enfin, dernier point, c'est l'utilisation de l'eau comme source d'énergie pour la métallurgie. On a un premier texte qui est de 1135, c'est le texte qu'on a vu tout à l'heure c'est le texte de d'un autre Bolvard, merci, hein, qui nous décrit l'abbaye et qui nous dit que ça entraînait vers l'abbaye de l'eau pour activer tout un certain nombre d'ateliers. Parmi ces ateliers, il cite un atelier qui traite le cuir, probablement des foulons à cuir. Il parle aussi d'une forge, et cette forge, elle était donc dans l'abbaye de Clairvaux. Je ne vais pas rentrer longuement dans les affaires de métallurgie parce que je n'ai pas le temps, hein, et simplement pour vous dire que c'est intéressant parce que c'est le premier texte qui parle d'une forge hydraulique, un marteau, parce que le produit qui sort de la forge, il faut le marteler pour le transformer complètement en métal utilisable. C'est le premier texte qui parle d'une forge hydraulique. Et là, avec le temps, hein, on voit ça, on est au XVe siècle, l'abbaye de Clairvaux possède des forges hydrauliques. Elle en possède du côté de Vassy, l'établissement de Bailleul. Ici, c'est l'ensemble donc, de Clairvaux et de ses forges. Et là, c'est Champigny. Voilà, c'est Champigny. C'est indiqué très nettement sur la carte de la ville de la Neve qu'on a vu tout à l'heure. Hein, une carte qui devait servir, qui était commandée par la ville de Paris, pour qu'on étudie les possibilités de circulation du bois, hein, sur l'aube. Et donc, on voit là, hein, il indique les forges. Pourquoi il indique les forges? Parce que les forges, c'est un obstacle à la circulation du bois. On voit qu'on a une forge ici, à Montry, hein, et là, une autre forge, c'est marqué là, forge et fonderie, les rouges, le bois de la vie, etc. L'abbaye est ici, on est juste à la proximité de l'abbaye. Là, on voit l'aube, là, on voit l'aujon. On n'est toujours pas orienté d'une manière qui n'est pas de nord et d'ici. Voilà. Je vous passe là-dessus. Ce sont les forges de Champigny, qui appartiennent aux moines. Voilà. Alors, ces forges ont alimenté tout un commerce. Les moines, je peux vous le dire tout de suite, notre dernière découverte, j'étais pas le seul dans le coup, hein, on s'est rendu compte que les cisterciens, dans la mesure de Clairvaux, avait les forges les plus riches, les plus grandes valeurs au moment de la saisie des biens nationaux. Donc c'était des gros producteurs. Il n'en sait rien à côté des tonnages qu'on produit actuellement, mais c'est important quand même. Alors, ce fer, fallait l'évacuer. On l'évacuait, sitôt marqué d'un cercle, le Clairvaux est ici, hein. Clairvaux est ici, là on a Paris. Paris qui est le principal marché d'acquisition, ça va vers Troyes, ça va vers Paris, et Nogent-sur-Seine. Alors pourquoi Nogent-sur-Seine? On retrouve notre problème de l'eau, parce que Clairvaux avait l'Aube, mais l'Aube n'est pas une rivière extrêmement navigable. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'eau, on peut faire circuler des barques, mais faire circuler des bateaux chargés de fer, c'est difficile. Et on l'aurait fait si on n'avait pas eu au niveau en aval de Troyes, cet ensemble qu'on a ici, on voit entre Troyes et Nogent-sur-Seine, cet ensemble de la bassée, c'est-à-dire une zone de subsidence, une zone dans laquelle la rivière court très très faiblement et avec petite vitesse, et une zone de très fort dépôt. Donc c'est une zone qui s'est... Chaque fois qu'on a essayé de canaliser le cours de la Seine dans la bassée, on s'est trouvé avec une rivière au bout de quelques années qui était à nouveau remplie de sédiments, une zone de sédimentation. Donc, il a fallu que les moines fassent circuler par terre toute une partie de leurs produits jusqu'à Nogent, et Nogent les embarquer vers Paris et Versailles. Donc, au total, voilà ce qu'il en est resté, et c'est dans cet aspect de l'utilisation de l'eau par Clairvaux que sont manifestées les dernières traces de l'activité économique de Clairvaux. Vous avez là les forges Saint-Bernard, on les voyait tout à l'heure, hein. Elles sont ici. Ces bâtiments ont servi encore à l'industrie jusqu'au début du XXIe siècle. Ça a été fermé et c'est une partie du patrimoine de l'abbaye qui est terriblement menacée. Hein. Bon, je laisse sur les plans. C'était un... Et il y avait là, la forge de Clairvaux avait perdu une partie de ses activités, on avait gagné une autre. C'était un laminoir qui laminait des tôles avec un décor. Là, vous avez un cylindre de laminoir, mais il y en avait des dizaines. Et ces énormes cylindres de laminoir donnaient donc des tôles qui étaient imprimées. D'un côté, il y avait un positif, un négatif, bien sûr. Et ce cylindre a été sauvé de la destruction par un de nos amis. Il a emprunté au lobbier de le rendre, et c'est tant mieux parce que tout le reste a été détruit. C'est une partie de notre patrimoine industriel qui a disparu. Voilà. Alors, pour terminer, des travaux ont été faits récemment à Clairvaux pour faire un parking pour les grandes festivités du 9e centenaire, c'est très bien, et des travaux vont être entrepris, j'espère récemment, bientôt, hein, pour lorsque la prison va être évacuée, hein, évacuée et en grande partie démolie. Alors là, on a eu des grandes discussions, moi je sais qu'on rase tout pour sortir le médiéval, et il y a des partisans de la sauvegarde d'une partie des bâtiments pénitentiaires comme autre aspect, hein, de notre civilisation. Bon, on peut discuter, hein, n'est-ce pas, Gérard? Voilà. Alors, on a donc des travaux qui sont en cours. En tout cas, il y a un travail très important à faire, difficile. Et ce n'est qu'un aspect, si vous voulez, de ce travail, parce qu'il y a aussi tout le patrimoine, tous ces moulins qui se trouvent un peu partout, toutes ces canalisations, tous ces aménagements hydrauliques pour l'agriculture, hein, qui sont plus que menacés, hein, et il faut faire extrêmement attention. Voilà.